Ce sera assez limité. Les températures ne changeront pas par rapport à aujourd'hui. Le week-end, en deux temps, avec du soleil et de la douceur samedi, 19 à 22 ou 23 degrés. Et puis davantage de nuages et un risque d'averse à partir de dimanche. Vivacité, il est 13h. L'affaire des policiers belges arrêtés par des policiers français prend de l'ampleur. Bernard Cazeneuve convoque l'ambassadeur belge et demande des explications. Mais pourquoi donc des agents belges reconduisent discrètement des clandestins à la frontière? Côté belge, un préavis de grève a été déposé par un syndicat policier. Les attentats de Bruxelles, c'était il y a 6 mois tout pile. Les personnes qui empruntent le métro à Malbec n'ont pas oublié, mais pas question de succomber à la peur. Une lettre retrouvée sur l'ordinateur de Bernard Westphal anime les débats aux assises du Hainaut. Nous serons en direct avec Fabrice Gérard qui suit le procès pour nous. On peut gagner de l'argent en roulant à vélo. Exemple avec un cycliste qui fait le trajet maison-travail tous les jours. Il reçoit plusieurs centaines d'euros par an. 13h, votre journal avec Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Des policiers belges qui reconduisent des clandestins à la frontière, c'est inacceptable pour les Français. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a convoqué l'ambassadeur de Belgique et exige des explications après l'incident d'hier. On vous en a parlé, hein. Deux policiers belges ont été arrêtés et interrogés par leurs collègues français. Les agents belges ramenaient en fait une quinzaine de clandestins à la frontière. Les Français les soupçonnaient de trafic d'êtres humains. Côté belge, un syndicat policier a déposé un préavis de grève. Le syndicat libre de la fonction publique réclame un nouveau cadre juridique car les policiers sont dans le flou. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, Romain Bardet. La réaction de la France ne plaît pas au syndicat SLFP Police. Il veut forcer le ministre fédéral de l'Intérieur, Yann Yambon, à venir autour de la table pour savoir quel est le cadre juridique. Ces illégaux avaient reçu l'ordre de quitter le territoire belge par geste d'humanité. Selon le syndicat, les policiers d'Ypres les ont raccompagnés au plus près de la France où ils voulaient se rendre. Une pratique habituelle, selon Vincent Gilles, président du syndicat SLFP Police. Ça ne se pratique pas ainsi partout, mais très souvent ça se pratique ainsi. Et ça se pratique très, très, très souvent dans le cadre de l'opération Médusa. C'est peut-être ce qui a fâché les Français, c'est de voir que sans cesse, nous reconduisions les 2500 migrants que nous avons interpellés durant les 3 mois qui viennent de passer. Ça solidifie notre hypothèse qu'entre M. Cazeneuve et M. Yambon, des choses ont été dites qui n'ont pas été traduites sur le terrain. Il exige donc des éclaircissements. Depuis l'incident, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rencontré l'ambassadeur de Belgique pour lui demander des explications. Une rencontre qui était prévue de longue date, nous a affirmé l'ambassade de France à Bruxelles. De son côté, le syndicat chrétien CSC Police a estimé aujourd'hui que cette affaire était une tempête dans un verre d'eau, même si passer la frontière avec ces migrants ne fait pas partie des protocoles de coopération, selon lui. Mais il parle de mesures disproportionnées et inacceptables de la part des policiers français, le syndicat qui pourrait ainsi se joindre au préavis de grève déposé par le SLFP Police. Les explications de Romain Bardet. Mauvaise nouvelle pour l'armée. Plusieurs sites militaires sont menacés de fermeture. Nivelles, Tournai et Bastogne en Wallonie. Ypres, Berlard, Tillen, Semmerzac et Coxyde en Flandre. Le service citoyen débarque en Wallonie ce lundi. Une vingtaine de jeunes se sont engagés pour 6 mois. Ces volontaires vont rendre des services dans des refuges pour animaux ou des centres culturels, par exemple. Le service citoyen existe déjà à Bruxelles depuis 5 ans. Déjà. Il y a 6 mois tout pile, la Belgique était touchée par le terrorisme. 2 attentats, le premier à Zaventem, le second à la station de métro Malbec. Ces 2 attentats feront au total 32 morts et 350 blessés. Alors 6 mois après, les personnes qui passent tous les jours par la station de métro Malbec n'ont pas oublié, mais n'ont pas plus d'appréhension par rapport à ce qui s'est passé. Je suis convaincue que je vais continuer à suivre ma vie comme normal parce que j'habite ici et le terroriste, s'il n'aime pas comment il est ici, il faut aller parce qu'il faut vivre comme les Belges ici, il faut vivre normalement, j'ai pas peur et voilà. C'est la première fois que j'y reviens, j'y passe souvent mais c'est la première fois que je prends l'arrêt. Après, la vie continue, je dirais, malheureusement. Le sentiment n'est pas spécialement d'avoir peur ou quoi que ce soit, enfin je veux dire... On sait qu'il s'est passé quelque chose ici, mais voilà, on continue à vivre malgré ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, on va au boulot tous les jours, on revient du boulot, donc toujours en passant par cette station où on voit d'ailleurs la fresque qui a été produite juste après, donc qui nous rappelle quand même que quelque chose s'est passé ici. Mais sinon, voilà, la vie continue, et tout simplement. Des témoignages recueillis par Pierre Vandenbulk. Et la menace terroriste a des conséquences encore aujourd'hui. Des conséquences sur les 24 heures vélo. Et oui, cette grande guindaille étudiante aura lieu le 26 et 27 octobre prochain à Louvain-la-Neuve. La sécurité sera fortement renforcée. Et problème, ça coûte de l'argent. Conséquence, les animations seront payantes cette année. 2 euros pour accéder à certaines zones du site. Bataille de courrier au quatrième jour du procès Westphal. Bernard Westphal est accusé du meurtre de Véronique Piroton. La défense de l'ex-député ne change pas. Ce n'est pas un meurtre, c'est un suicide. Fabrice Gérard, vous suivez ce procès pour Vivacité. Aujourd'hui, une lettre de l'amant de Véronique Piroton a été découverte dans l'ordinateur de Bernard Westphal. Et cette lettre cristallise les débats en cette fin de matinée. Oui, effectivement, Simon, c'est effectivement une lettre signée de la main d'Oswald de Kock, l'amant de Véronique Piroton, une lettre dans laquelle il incite en fait à la rupture avec Bernard Westphal, qu'il insulte d'ailleurs à plusieurs reprises. Je cite, c'est un morveux, une ordure ou encore une méduse échouée qui s'accroche. Bref, il tente de mettre de l'huile sur le feu entre les deux époux. Le problème, vous l'avez dit, c'est que cette lettre, eh bien, elle a été retrouvée dans l'ordinateur de Bernard Westphal. Elle date du 26 octobre, une date importante, hein, car à ce moment-là, on est 5 jours seulement avant la mort de Véronique Piroton. Et Bernard Westphal, lui, se défend. Il dit n'avoir jamais eu connaissance de cette lettre. Les enquêteurs, de leur côté, ont essayé de savoir quand cette lettre est arrivée sur l'ordinateur, mais les métadonnées ont été effacées. Résultat, personne ne peut dire avec précision quand cette lettre est arrivée dans le PC de l'accusé. Alors, Bernard Westphal avait-il connaissance de cette lettre et a-t-elle joué un rôle dans la mort de Véronique Piroton? Ou bien cette lettre a-t-elle été placée par l'amant ou quelqu'un d'autre pour faire croire à la préméditation? Ce qui est certain, Simon, c'est qu'entre la mort de Véronique Piroton le 31 octobre et le 7 novembre, date de la perquisition, il y a eu du passage dans la maison et l'ordinateur a bel et bien été manipulé. Bref, le témoignage d'Oswald de Kock la semaine prochaine sera important, voire déterminant. Merci Fabrice Gérard, vous étiez en direct des assises du Hainaut pour Vivacité. Pédaler, c'est bon pour la santé, ça peut aussi rapporter des sous. C'est la semaine de la mobilité et savez-vous que certains patrons donnent une indemnité à ceux qui se rendent au boulot à vélo? Vincent Gollard fait le trajet tous les jours entre Spie dans le Namurois et Charleroi. Grégory Fob et Natacha Mann l'ont rencontré. Il est 6h30, Vincent Gollard quitte son domicile de Spie à vélo direction Charleroi. Ce passionné de cyclisme travaille chez Thales Alenia Space à Mont-sur-Marchienne. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai décidé de faire les trajets. Un trajet de 29 km. Quand je pars travailler en voiture, il faut 1,5 tonne pour que me déplacer, tandis que mon vélo, ce n'est que 10 kg. Et avec 1,5 tonne de voiture, je mets 1/2 heure, tandis qu'avec le vélo, je ne mets que 2 fois plus de temps. C'est-à-dire 1 heure. Vincent Gollard fait donc 2 heures de sport par jour, des heures qui en plus lui rapportent de l'argent. Quelques jours après mes premiers trajets, j'ai appris qu'on avait droit à une indemnité kilométrique de 21 cents du kilomètre à l'époque. Comme je fais 29 km x 2 par jour, ça me faisait déjà 12 € par jour. Et cette indemnité est passée à 22 cents depuis quelques années. Une indemnité qui lui permet de payer 3 factures annuelles. Ma facture de chauffage, ma facture d'électricité, ma facture d'eau. Quelque part, je me dis, je peux payer mon chauffage et le reste donc avec mes cuisses. Chaque année, Vincent Gollard gagne environ 1 400 € juste en pédalant. Le reportage de Grégory Fob et Natacha Mann. En bref, le patron de Facebook très généreux, Mark Zuckerberg, a décidé de donner 3 milliards de dollars en 10 ans pour contribuer à prévenir et à guérir les maladies. En football, il aura joué 93 minutes. Vincent Kompany a quitté le terrain dans les arrêts de jeu, grimaçant lors de la rencontre Manchester City-Swansea. C'était sa première rencontre après 4 mois d'absence pour blessure. L'entraîneur de Vincent Kompany craint une rechute. Le Diable Rouge passera des tests médicaux ce lundi. Enfin, elle a fait polémique. Elle a provoqué la curiosité, la colère parfois des passants. La fresque, le fameux pénis géant de Saint-Gilles, ne sera pas effacée. En tout cas, pas tout de suite. Le collège des bourgmestres et échevins a décidé de nettoyer le mur, oui, mais le collège des bourgmestres et échevins n'est visiblement pas pressé. Il vous reste donc encore quelques semaines si vous voulez admirer cette œuvre un petit peu particulière. Allez, filons tout de suite sur les routes. Fanny Gillard, il y a un accident sur le 40. Oui, on en avait déjà un ce matin sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle. Le premier tout à l'heure était à hauteur de Cherat. Il est rentré dans l'ordre et paf, dans les 10 minutes, c'est un autre qui se déroule cette fois au kilomètre 97.7 à hauteur de Barchon. Passage assez compliqué. Circulation du coup ralentie en direction de l'Allemagne. Soyez prudents dans ce secteur. Et puis, autre accident cette fois dans la capitale, c'est dans le tunnel Arlois. Borne gauche neutralisée, défile vers le midi. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 13h10, on prend tout de suite la vie du bon côté sur Viva avec vous, Thomas Leurides. Eh bien, Simon Gérard. C'est difficile à dire en fait votre nom, Thomas Leurides. Dites Thomas uniquement. Allez, ben je ferai ça la prochaine fois. On peut simplifier la vie. C'est simple. Merci beaucoup Simon. Les prochaines infos, ce sera dans une heure et ce sera tout à l'heure à 14h. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Leurides. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la vie du bon côté. On vous présente cet après-midi le salon Être Plus, un salon qui a été créé à l'occasion des 20 ans du mensuel Agenda Plus, un salon qui invite des exposants proposant des services et des activités qui touchent les trois plus grands aspects de l'homme, le physique, le psychologique et le spirituel. Bonjour Jean-Anne. Bonjour. Soyez le bienvenu dans la vie du bon côté, vous êtes le directeur de publication du magazine Agenda Plus. Ce salon Être Plus a été créé à l'occasion des 20 ans du mensuel Agenda Plus, un mensuel qui était au départ un supplément d'un autre magazine et rapidement il est devenu une référence en matière de développement personnel. Comment est-ce que vous expliquez ce succès grandissant? Est-ce qu'il y a une demande, un intérêt, une attente croissante pour ces questions de développement personnel? Ah, certainement. Bon, au début on n'était pas... On n'était pas vraiment la référence, ça est venu après des années. Mais c'est sûr qu'il y a un besoin pour les êtres de retrouver un bien-être, d'être mieux, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leur tête, etc. Donc, et puis le mal-être ambiant fait qu'il y a cette envie de rechercher toutes les techniques de développement personnel, de mieux-être. Et de spiritualité, comme vous l'avez annoncé. La mission d'Agenda Plus, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le magazine? Alors, Agenda Plus, donc, c'est un mensuel qui est distribué dans les magasins bio, dans les centres de stage, chez les thérapeutes. Et c'est surtout un agenda, dans sa définition. Donc, tous les mois, nous renseignons à peu près 300-400 activités, que ce soit des conférences ou des stages, des formations, des cours réguliers, dans les différents domaines. Et le salon Être Plus reprend cette même philosophie. Voilà, donc cette année nous fêtons nos 20 ans et à cette occasion nous avions envie de rencontrer notre public puisque bon, voilà, quand on écrit, on aimait un magazine mais on n'a pas nécessairement toujours des retours et donc c'était l'occasion de rencontrer la communauté des lecteurs d'Agenda Plus qui, on l'évalue, à plus ou moins 100 000 personnes. Donc comme je dis à certains moments, c'est plus qu'un stade olympique. Hein, donc... on mettrait un stade olympique, vous voyez, donc ça fait toute cette... différence avec les autres. À vos côtés cet après-midi, Marie-Andrée Delamande, bienvenue dans la vie du bon côté. Bienvenue aussi. Bonjour à vous, vous êtes rédactrice, parlez bien devant le micro Marie-Andrée. Oui. Vous êtes rédactrice du magazine, auteur du livre Chemin d'intériorité paru aux éditions A+. Vous serez en dédicace sur le stand d'Agenda Plus lors de ce salon qui se tiendra à Wavre au mois d'octobre. Ces questions de développement personnel, vous sentez vous aussi cet engouement pour ces questions-là? Mais oui, je le sens de plus en plus, ne fût-ce qu'en parlant à certaines personnes amies ou à certaines personnes que je ne connais pas à une terrasse de café. Eh bien oui, tout le monde est intéressé par s'épanouir, vivre heureux, se réaliser. Ce sont des questions qu'auparavant qui étaient secondaires auparavant et qui maintenant arrivent un petit peu à l'avant-plan dans la société. Finalement, on ouvre n'importe quel magazine, même le Nouvel Observateur, non pas que le Nouvel Observateur soit n'importe quel magazine, mais enfin, on ouvre n'importe quel magazine et on a ces questions qui sont là. Comment aller mieux? Comment être heureux? Oui. partie des questions dont on reparlera cet après-midi. Votre livre « Chemin d'intériorité » dont on reparlera aussi propose de redécouvrir des thèmes universels qui nous amènent à nous interroger sur nous-mêmes, pêle-mêle, hein, on rentrera dans le détail un peu plus tard. L'intuition, la création, l'exploration des rêves, l'humour, le discernement, des thématiques qui sont servir à enrichir notre parcours intérieur. Oui, des thématiques en tout cas que nous rencontrons tous plus ou moins dans notre vie, chacun avec notre personnalité. On expérimente chacun l'exercice de la liberté, l'exercice du discernement, l'exercice de l'intuition. On rencontre chacun l'amour, la solitude, son rapport à l'argent. Donc ce sont des thèmes effectivement universels. Et dans ce livre, il y a une facilité à les aborder parce qu'ils sont explorés en quelques pages, hein, chaque thème faisant l'objet d'un petit chapitre et invitant les lecteurs à faire une pause dans notre vie trépidante, dans notre vie où on court sans cesse. Eh bien, faisons une petite pause et réfléchissons à ce qu'on vit. Voilà. Et vous qui nous écoutez, être plus dans son corps, être plus dans sa tête, être plus dans son esprit, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce que cela vous parle? Est-ce que ce sont des questions qui vous intéressent? Le sujet d'aujourd'hui sera l'occasion jusqu'à 15h de vous demander, à vous qui nous écoutez, ce qui vous attire le plus quand vous visitez un salon comme Être Plus. Que venez-vous chercher? Quel est votre but? De quoi êtes-vous le plus en recherche et le plus en demande? Numéro de téléphone pour entrer en contact avec nous, c'est le 070 23 33 23. Vous pouvez aussi nous écrire via le Facebook de La Vie du Bon Côté ou par SMS au 30 63. Et vous allez voir, jusque 15h avec nos invités, une fois de plus, on prend La Vie du Bon Côté. La Vie du Bon Côté. Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing all. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing all. I can fly high, I can go low. The warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Le son de Lost Frequencies qui s'invitait chez vous pour démarrer La Vie du Bon Côté s'appelle Reality à l'instant sur Viva. La Vie du Bon Côté autour du salon Être Plus qui est au cœur de notre après-midi, autour de l'agenda plus avec entre autres nos deux invités qui sont avec vous jusqu'à 15h. Et je vous rappelle qu'on vous attend. Qu'attendez-vous de ce genre de salon? Quel type de démarche effectuez-vous quand vous allez sur place? 070 23 33 23. Etias, bonjour. Bonjour madame, je viens de rentrer dans une autre voiture. Rien de grave, monsieur? Non, j'ai juste mes trois enfants qui reviennent de l'école et une voiture qui ne roule plus. Écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. C'est rapide ça, j'aurai pas le temps de faire les devoirs. Les devoirs? Mais oui, pour une fois que j'ai les trois enfants bien assis et qui peuvent pas s'échapper. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Shopping. Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walué Shopping. Place au prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au happy weekend du Walué Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping. Walué Shopping. Vivacité présente à Acerta Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles, situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Thomas Leridez. On le disait en début d'émission, le salon Être Plus, c'est le point de départ de notre conversation cet après-midi. Je le disais, ce salon propose des services et des activités qui touchent les grands aspects de l'homme. Jean, il y a tout d'abord l'aspect physique, ce que l'on appelle être plus dans son corps. Et ça commence par une bonne santé physique, c'est ça? Mais oui. Et donc, il y a toutes sortes de techniques pour être bien dans son corps. Alors, la technique la plus connue, c'est évidemment les massages. Donc, il y a toutes sortes de massages. Il y aura évidemment des exposants qui proposeront différents types de massages. Il y a aussi le tai chi, le qigong, le yoga. Il y a aussi un exposant qui s'appelle l'école du mouvement qui va proposer toute une série de techniques pour être mieux dans son corps. Donc voilà, ça, c'est ce qui, toutes ces exposants vont être là pour nous permettre d'être mieux dans, voilà, au niveau physique. Mmh. Et puis il y a aussi toute une dimension qui est de l'ordre de l'alimentation, du feng shui, de l'habitat. C'est aussi être bien dans son corps plus large, dans son environnement, vous voyez. Donc ça fait partie également de l'aspect physique des choses. Ça passe aussi par l'alimentation, par le fait de prendre soin de soi aussi. Bien sûr. Effectivement, des choses comme ça. Alors, ce qui va nous intéresser aussi cet après-midi, c'est de voir à quel moment on commence à être cohérent avec nous-mêmes, c'est-à-dire de savoir jusqu'où on peut aller, quelles sont les limites que l'on peut dépasser, quels sont nos besoins. C'est cette question de maturité, Marie-André, dont on va aussi parler cet après-midi. Moi, j'ai d'abord envie de vous demander, ça veut dire quoi mûrir exactement, Marie-André ? Alors mûrir, on peut donner différentes définitions de mûrir. En tout cas, moi j'aime bien la comparaison avec le fruit. Oui. Le fruit, c'est-à-dire qui mûrit, oui. Le fruit qui mûrit, on peut peut-être se référer à cette maxime universelle « Qui suis-je ?» Et « Quelle est ma personnalité ?» Comme un fruit qui doit mûrir, finalement, c'est faire advenir les potentialités que l'on a à la surface, les exprimer. Un fruit ne peut pas mûrir au frigo. Un fruit, il mûrit quand il y a de la lumière, quand il y a de la chaleur. S'il est au frigo, il reste immature. Finalement, si on lui donne de la chaleur, il dispense jus, arômes, sucre. Et on peut peut-être tâcher de se mettre en condition, soit dans sa vie, pour tâcher d'accomplir ce qui fait qu'on se sent bien. Ce qui fait qu'on peut donner son plein. En fonction de sa personnalité, évidemment, le plein de l'un n'est pas le plein de l'autre, bien évidemment. Une personne qui a au départ un physique, je veux dire, une santé fragile, va donner son plein peut-être en faisant, je ne sais pas, j'invente, mais 4 mètres, parce qu'elle est très... 4 mètres, elle les fera. une autre, ça va être les 200 mètres avec des sauts. Donc, on fait toujours en fonction de qui l'on est. Et je pense qu'une des clés de la maturité, c'est finalement se connaître. Mmh. Se connaître et surtout se respecter. S'écouter ? S'écouter, oui, s'écouter. S'écouter au plus profond, ne pas simplement écouter tout ce qui est de l'ordre de la superficie, c'est-à-dire des conditionnements que l'on a reçus durant toute son enfance, durant son éducation, à l'école, etc. Non, c'est s'écouter dans la profondeur, qui l'on est, et essayer donc d'exprimer cette personnalité. On reviendra peut-être tout à l'heure avec le thème de l'individuation, hein, puisque Jung en a parlé bien mieux que tout le monde, hein, être l'individu que l'on est finalement. Eh bien écoutez, est-ce que déjà cela vous inspire ? 070 23 33 23 si vous souhaitez intervenir sur l'antenne de Vivacité. On aura au téléphone d'ici quelques minutes Fabienne qui va rejoindre la communauté de la vie du bon côté. 070 23 33 23 si vous souhaitez arriver jusqu'à nous. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent, tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir. La musique de Céline Dion, encore un soir à l'instant sur Vivacité, à retrouver sur l'album du même nom. À quasiment 13h30, vous êtes dans la vie du bon côté. On parle du salon Être Plus qui est au cœur de notre après-midi. Cet après-midi qui s'intéresse aux trois grands aspects de l'homme, le physique, le spirituel et le psychologique. On en parle cet après-midi. L'occasion pour nous de savoir ce que vous allez chercher dans ce type de salon. Est-ce que vous êtes curieux et vous n'avez pas forcément une quête précise, ou alors vous cherchez des choses bien spécifiques. Venez nous en parler, 070. 23 33 23, Fabienne au bout du fil, juste après ça. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi ? Un appartement deux chambres entièrement équipé à partir de 185 000 euros hors TVA et frais à City Docks. City quoi ? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, pavillon de vente ouvert à partir du 22 septembre. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera ? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert ? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte ? À partir de 139 euros par mois ? Ah, mais c'est parfait, ça ! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Nivelles, portes ouvertes dans notre appartement témoin, c'est samedi et dimanche, de 14 à 17h, à l'angle de la rue Lévesque et de la rue des Déportés à Nivelles. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai ? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité La Une présente l'Eneco Tour du 19 au 25 septembre. Qui succédera à Tim Wellens ? Les contre-la-montre, les sprints bonification ou l'ascension du mur de Grammont seront-ils décisifs ? Venez encourager vos favoris sur le parcours ou vivez l'Eneco Tour en direct sur La Une. L'Eneco Tour, le cyclisme en fête du 19 au 25 septembre. En ce moment chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi ? Il y a un château aussi ? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/Kortenberg. Hey, MyWay. La vie du bon côté sur Vivacité. Le Salon Être Plus au cœur de notre après-midi autour de l'Agenda Plus, entre autres avec Jean Hannet, son directeur de publication, et Marie-André Delamande, rédactrice du magazine et auteur. Fabienne rejoint la conversation. Bonjour à vous Fabienne. Bonjour Thomas. Soyez la bienvenue, on parlait de maturité à l'instant. Je crois que vous, vous avez une expérience qui vous a fait mûrir, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Alors, quand on m'a posé la question, j'ai d'abord pensé que toutes les expériences m'avaient fait mûrir et je me suis aperçue que c'était plutôt grandir qui était à l'ordre du jour à ce moment-là. Il y a une seule expérience qui m'a fait mûrir, parce que grandir et mûrir, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc, grandir, c'est voilà, se déployer, participer à son environnement, etc. Et mûrir, c'est accepter de se détacher, comme le fruit se détache de l'arbre quand il est prêt. Mmh. Et alors, l'expérience en question, c'est l'accompagnement de ma mère en fin de vie. Ça a duré 3 mois. Avant cette expérience, je courais partout. Et après cette expérience, je me suis contentée de respirer parce que j'ai dû apprendre à perdre, à porter mon attention sur les petites choses, avec la conscience qu'il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas de choses à atteindre. Et donc, je me suis mise à respirer. Voilà, ce que je ne faisais pas avant. J'ai compris que vivre, c'était respirer et être ce qu'on était. Vivre l'instant. Alors ça, c'est votre regard après coup, mais pendant cette période-là, pendant ce moment-là, comment est-ce que vous avez vécu les choses ? On ne se dit pas, tiens, je vais traverser une période un peu compliquée, ça va me faire grandir, ça va me faire mûrir, le mot que vous choisissez. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Mais on ne se dit pas grand-chose, justement. On arrête de se mettre des présupposés. J'ai arrêté de me mettre des présupposés, de me projeter dans l'avenir, et j'ai vécu complètement au présent, en acceptant ce qui était là, totalement. D'accord. C'est vraiment la conscience du moment, la possibilité de s'accorder au moment tel qu'il est. Pour moi, ça, c'est la maturité. Et ça, ça vous a fait, alors j'allais dire grandir, mais non, ça vous a fait avancer, ça a accru votre maturité, c'est bien ce que vous nous dites, Fabienne ? Ça m'a rendu à moi-même. Ça vous a rendu à vous-même ? Ça m'a fait être ce que j'étais sans chercher autre chose. Pour moi, c'est ça, la maturité. Hein. Bon, c'est après ça que j'ai pu commencer à vivre plus au présent et à m'agiter beaucoup moins. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez coupé le cordon, du coup, après coup, avec votre maman ? Non, c'est pas du tout cette question-là. C'est j'ai coupé le cordon, si vous voulez employer l'expression, j'ai coupé le cordon avec tous les présupposés de la vie et toutes les agitations. Je suis simplement un petit calmée, si vous voulez. Je me suis mise à vivre l'instant tel qu'il se présente. Marie-André, pour moi, c'est une question de maturité. Marie-André, vous faites aussi une différence entre grandir et mûrir? Mais disons que ce que j'entends ici, c'est plutôt une réduction à l'essentiel. C'est cela. C'est-à-dire, Fabienne nous dit ici, j'ai cessé de m'agiter, j'ai cessé d'avoir des idées sûres, j'ai cessé d'avoir des présupposés, j'ai été complètement dans le présent. Simplement, ça ne le dit pas, mais je le suppose, parce que la mort était là. Et qu'il y a des choses essentielles où on ne s'agite plus. En tout cas, c'est son expérience. On revient à soi, on revient à l'autre, on revient à la relation, à ce qui est finalement essentiel au présent. Mmh. Voilà. À partir de la profondeur. Et en n'étant plus à l'extérieur, j'ai cessé de m'agiter, elle le dit deux fois. Je reviens au présent. Non pas à ce qui était, non pas à ce qui sera, parce que finalement c'est ce qui était et ce qui sera qui forment toujours des angoisses. On s'angoisse parce qu'on s'angoisse pour l'avenir, on s'angoisse pour le passé. C'est plus ça. Elle est dans le présent. Fabienne, voilà. Vous étiez revenue à l'essentiel. Vous êtes d'accord avec ce Absolument, regard de Marie-André? Tout à fait ça. Tout à fait ça. Ouais, vous l'avez senti à quoi exactement? Au fait, il n'y avait plus d'avenir, de toute façon. Il n'y avait pas de possibilité de me projeter dans un avenir à ce moment-là, puisque, évidemment, vous imaginez que je n'étais pas très contente de perdre ma mère. Et donc, j'étais obligée de revenir à ce présent et de me contenter de ce qui était là à ce moment-là, de donner toute son importance à ce qui était là. Et maintenant, je me retrouve avec cette possibilité de vivre le présent que je ne vivais pas du tout avant, et donc aller à l'essentiel. Oui. Merci à vous Fabienne pour votre témoignage cet après-midi. Aller à l'essentiel, c'est facile ou c'est pas facile, Marie-André? Écoutez Thomas, à partir du moment où je vous parle maintenant, là, et que je vous considère qu'on est en relation, que je suis en relation avec Jean Annet, et aussi avec les auditeurs que j'imagine, je suis pour moi à l'essentiel. Il n'y a pas d'autre chose finalement que ça pour le moment. Ouais. Avant de Tout dépend de la définition de l'essentiel aussi. Mais l'essentiel, c'est ce qui est. C'est tout simplement ce qui est là, maintenant, dans le présent. Il n'y a pas d'autre essentiel que ça. Tout le reste n'est que, je vais pas dire n'est que bileveusé ou bué sur la vitre, mais à peu près. Finalement, le présent, c'est ça qui est au cœur, si on en revient aux trois dimensions dont parlait Jean Annet tout à l'heure, le physique, le relationnel et le spirituel. Au cœur de chaque spiritualité, au cœur de chaque sagesse, il y a cette demande qui est « revenons au présent, revenons à ce qui est, revenons à la relation présente ». Cet essentiel-là, le recherchez-vous, vous qui nous écoutez? Est-ce que vous visitez des salons comme ce salon Être Plus qui nous intéresse cet après-midi? Qu'est-ce que vous allez y chercher? Quel manque, quel besoin avez-vous quand vous allez visiter ce genre de salon? Ou alors vous êtes juste ouvert d'esprit et vous avez envie de voir ce qu'il retourne avec ce type de salon? 070 23 33 23 pour arriver jusqu'à nous, le SMS au 3063. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watteau. Peinture, décoration et revêtement de sol, profitez d'un large choix et des meilleurs conseils. Watteau, chaussée de Namur à Nivelles et sur watteau.be. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 25 septembre, la dernière étape de la saison, celle de Bruxelles sans voiture, comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, et puis des milliers de beaux héros, escortés par Joël Skoritz et les Magic Systems, dans la capitale la plus verte d'Europe. Ce dimanche après-midi, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade,

Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. En ce moment, chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi ? Il y a un château aussi ? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/Kortenberg. Construction, perfection, habitat. Week-end portes ouvertes, c'est 24 et 25 septembre. Découvrez une nouvelle maison Perfection Habitat, rue Joseph Wauters, à Crisney. Construction, perfection, habitat. Une exclusivité, Étienne Piron. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. Vitacité. La vie du bon côté. L'avis du bon côté autour de nos deux invités cet après-midi. Jean Hannet, qui est le directeur de publication du magazine Agenda Plus. Marie-Andrée Delamande, qui est rédactrice du magazine et auteure du livre Chemin d'intériorité, dont on parlera tout à l'heure. On en était aux trois grands aspects de l'homme qui seront représentés sur ce salon. On parlait de l'aspect physique. On a commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Alors, il y a différents exposants. On a déjà aussi un peu dit tout à l'heure aussi, mais je voulais qu'on rentre un peu dans le détail, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les différents exposants qui seront sur place, comme la naturopathie. Un mot là-dessus, Jean. La naturopathie, comme l'indique son nom, effectivement, c'est une science qui va aller rechercher tous les principes de la nature, hein, et qui va permettre de soigner à partir des plantes, à partir des essences. Les fleurs de Bac, par exemple, c'est ça? Alors, les fleurs de Bac, c'est encore un peu différent. Ce sont des principes. Ce sont des essences de fleurs qui ont été distillées et qui permettent de répondre à différentes choses comme les émotions, la peur, etc. Donc c'est encore une autre dimension. Mais bien sûr, les fleurs de Bac font partie de la naturopathie. On trouvera aussi des exposants autour de la réflexologie. Réflexologie plantaire. Donc vous savez que les oreilles, les mains, les pieds représentent à la limite le corps dans son entier. Donc si vous touchez des points au niveau des mains, vous pouvez agir sur certains méridiens et sur des organes à l'intérieur du corps. Donc on a la réflexologie du pied, réflexologie des mains, on peut aussi travailler sur le crâne, les oreilles, etc. Donc oui, il y a pas mal de choses effectivement qui se cachent sous cette appellation réflexologie. Il y a le planning familial naturel, je ne connaissais pas moi. Planning familial naturel, eh bien ça c'est une méthode naturelle pour réguler les naissances. Donc nous sommes dans une société hyper médicalisée, où la pilule prend beaucoup de, voilà, d'espace. Occupe une place, oui. Pour la régulation des naissances. Et le planning familial essaye justement de retrouver une méthode naturelle pour réguler les naissances. Et ça a vraiment un avantage de retrouver le côté, de permettre que les femmes retrouvent vraiment leur identité féminine et en dehors de toute cette, je dirais, médicalisation, même si la pilule n'est pas en soi un médicament. Alors il y a quelque chose que je ne connaissais pas aussi qui sera proposé sur place, c'est l'eutonie. L'eutonie, par définition, le bon tonus. Oui. Le bon tonus, ça veut dire retrouver une présence, retrouver une manière d'être au niveau du corps pour que le corps retrouve un tonus naturel et qu'il soit, pour être finalement bien bien en soi, bien physiquement, bien dans son corps. Alors justement, pour continuer d'être bien dans son corps, il y aura aussi des stands autour du Feng Shui. Feng Shui, alors là ici on aborde, on élargit par rapport au corps. Hein. Donc Feng Shui, géobiologie, Feng Shui c'est l'art de pouvoir harmoniser son intérieur. La géobiologie, c'est aussi là, une méthode qui va permettre d'aller rechercher les points, on va dire les points d'acupuncture de la Terre, c'est-à-dire que la Terre en elle-même a également des méridiens. Et donc il y a des points qu'on appelle le réseau de Hartmann, qui permet, où toute la Terre est quadrillée. Et donc quand, par exemple, un lit ou un fauteuil se retrouve sur des points bien précis, il peut y avoir certaines pathologies, même voire des cancers qui se développent parce que comme je disais, le lit ou le fauteuil où des personnes se situent régulièrement sont sur des endroits qui ne sont pas qui sont un peu nocifs. Et donc la géobiologie va tester, va aller voir. Donc par exemple, si vous demandez à un géobiologue de venir chez vous, il va vous permettre il va analyser la maison et va vous aider à déplacer éventuellement des objets, des endroits, même des pièces où qui va vous permettre comme ça d'harmoniser votre maison. Vous en saurez plus en allant évidemment sur place à ce salon Être Plus les 8 et 9 octobre à Wavre. Et puis il y a aussi ce que l'on appelle la méthode de libération des cuirasses, Marie-André. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là exactement ? Eh bien, déjà il y a le mot cuirasse qui est intéressant pour comprendre un petit peu cette approche, cette technique qui a été mise au point par Marie-Lise Labonté, qui a écrit un livre qui s'appelle « Au cœur de notre corps ». Marie-Lise Labonté, qui était une personne qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde, donc vous savez combien c'est invalidant et douloureux, et elle a fait le parcours du combattant au niveau des médecines allopathiques pour essayer d'être soulagée. Finalement, elle a tracé un petit peu sa propre route et elle a découvert que la polyarthrite rhumatoïde était finalement une série de crispations qui s'était comme une écriture qui s'était inscrite dans son corps, une écriture qui manifestait des problèmes non résolus dans l'enfance, des tensions importantes, des choses de l'ordre du psychologique qui se sont inscrites dans le corps. Et à notre époque, c'est vrai que comme on vit sans cesse sous pression, comme on est sans cesse en train de courir, enfin pour la plupart des gens comme des dératés pour atteindre on ne sait quoi, mais enfin bon, voilà, on court et ça produit du stress qui tend les muscles et qui fait que le corps est emprisonné comme dans une glu de cuirasse musculaire. Alors les séances de libération des cuirasses visent, comme le dit le mot, à se libérer de ces cuirasses musculaires qui nous emprisonnent. Ça se passe très simplement. Ça se passe avec des balles de tennis, avec des bâtons en mousse, des choses comme ça. On prend conscience de ces tensions. On les détend et évidemment le lien corps-esprit se vient à la conscience, disons, voilà. En gros, si je comprends bien, c'est un éveil corporel par le mouvement. C'est un éveil corporel par la prise de conscience des tensions et des nœuds dans le corps, un éveil corporel, une libération quand même, une détente. Voilà, on détend peu à peu ce corps crispé. Oui. Et est-ce qu'il faut être mature pour pouvoir maîtriser ce genre de libération des cuirasses ? Non. Et d'ailleurs, qui est mature ? Il n'y a pas de maturité, vraiment. Parce qu'on parle de maturité, ça veut dire quoi la maturité dans ces cas-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisqu'on parle de maturité, Marie-André. Oh là là, mon cher Thomas, que me demandez-vous là ? Oui. Mais... Je vous pose la question à vous. Vous me posez la question à moi, ce que c'est être mature. C'est toujours revenir à soi, finalement. C'est s'approprier ou se réapproprier l'entièreté de soi-même. L'entièreté de soi-même, ça veut dire tout.

Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Profitez maintenant de l'action automne. Des milliers de carrelages à petit prix. Point BE. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Ban. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Etias, bonjour. Bonjour, je viens de rentrer dans le pare-choc d'une camionnette. Est-ce qu'il y a des blessés ? Non, mais par contre, ma voiture ne roule plus. Ah, ne vous inquiétez pas, on vous envoie une dépanneuse, elle sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes ? Mais c'est rapide, ça. Oui. Oh, mais c'est que la nana qui conduisait la camionnette, elle est pas mal du tout. Vous avez 30 minutes. Oh là là. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune ? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat ! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vous écoutez Vivacité, il est 14h. L'info de ce jeudi, Catherine Tonnero. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'affaire prend de l'ampleur des deux côtés de la frontière après l'interrogatoire hier de 2 policiers flamands par leurs collègues français parce qu'ils ramenaient en France des illégaux sommés de quitter le territoire belge. La police belge veut des explications. Le syndicat libre de la fonction publique annonce un préavis de grève. Il veut redéfinir le cadre légal dans lequel évoluent les policiers actuellement dans le flou dans ce genre de situation. De son côté, le ministre français de l'Intérieur exige lui aussi des explications. Bernard Cazeneuve qui a convoqué l'ambassadeur de Belgique. 6 mois jour pour jour après les attentats de Bruxelles, l'OCAM annonce que la nouvelle banque de données sur les combattants syriens est pleinement opérationnelle. L'arrêté royal est paru aujourd'hui au Moniteur belge. Cela permettra un meilleur échange d'informations directes entre les renseignements et la justice. Ils se serviront ensemble de cette banque de données qui concerne environ 600 personnes. Mesure destinée évidemment à améliorer la lutte contre le terrorisme. Les Belges sont mal informés sur les risques nucléaires. C'est la pharmacie en ligne New Pharma qui le dit. Selon l'e-pharmacie, qui compte 750 000 utilisateurs, les recherches et ventes de produits contenant de l'iode ont doublé en 2016 par rapport à la même période l'an dernier, avec un pic situé entre mars et avril dans la foulée des attentats de Bruxelles et des problèmes de sécurité évoqués à la centrale nucléaire de Tihange. Pourtant, seules les pharmacies présentes dans un rayon de 20 km autour des centrales vendent des comprimés d'iode. Les Nations Unies ont repris leur aide humanitaire suspendue en Syrie après l'attaque meurtrière contre un convoi mardi. L'ONU a envoyé un de ses convois vers une zone assiégée dans la périphérie de la capitale Damas. Elle espère en faire partie d'autres ces prochains jours. Sport football, il aura joué 93 minutes. Vincent Kompany a quitté le terrain dans les arrêts de jeu grimaçant lors de la rencontre Manchester City-Swansea. Sa première rencontre après 4 mois d'absence pour blessure. Son entraîneur craint une rechute. Le Diable Rouge passera des tests médicaux lundi prochain. La météo pour terminer au beau fixe, mais le ciel se couvre d'ouest en est. Il fera encore sec et les maxima atteignent 17 à 22 degrés. Retour d'un peu de pluie prévu pour demain, vendredi. On part sur les routes faire le point RTBF Mobile Info avec Fanny Gillard et cet accident sur la E41, Fanny. E40, oui, Liège-Aix-la-Chapelle. On avait déjà un accident tout à l'heure du côté de Cherat. On en a un second. Cette fois-ci, l'autre est terminé. Il est celui-ci au kilomètre 97.7, donc à hauteur de Barchon. Passage compliqué. 3 km de file en direction de l'Allemagne. Vous perdez là quelques minutes. Déchets de pneus sur l'E40 Bruxelles-Liège au kilomètre 66 à hauteur de Warem. Voie centrale encombrée en direction de Liège. Et dans l'autre sens, sur toujours cette E40 Liège. Bruxelles. C'est une chaise qui se trouve sur la chaussée à hauteur de Kreinem, donc au kilomètre 3.6. Soyez extrêmement prudents, c'est en direction de la capitale. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h03 sur Vivacité, on reprend la vie du bon côté avec Thomas Leridez. Effectivement, Catherine Tonero pour l'actualité, on vous retrouvera un peu plus tard. La vie du bon côté qui s'intéresse au salon Être Plus cet après-midi, autour de l'agenda entre autres, l'agenda Plus avec Jean Hannet, son directeur de publication, et Marie-Andrée Delamande qui est rédactrice du magazine et auteur. Mais d'abord, on va prendre un peu d'air. Vous venez de percevoir votre assurance groupe et vous voulez faire fructifier cet argent. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. On prend un peu d'air avec la petite sœur du beau vélo de Ravel, c'est l'échappée belge qui démarre aujourd'hui et qui s'inscrit dans l'air du temps, Adrien Jovenot, un voyage avec zéro émission de gaz à effet de serre. C'est bien cela, bonjour Adrien. Bonjour Thomas, vous êtes bien renseigné. Nous avons quitté Bruxelles à la fine pointe de l'aube et nous sommes arrivés à 11h30 ce matin à la gare TGV d'Amignon. Un petit train TER pour arriver à Cavaillon. Et là, on est en selle déjà à Cavaillon pour la première étape de cette échappée belge. Sylvie Palpan, vous étiez sur le quai pour nous accueillir. Bah oui, je vous attendais pied ferme. Sous un soleil de plomb, il fait... On va pas narguer les Belges parce que là, ça se couvre, hein, j'ai entendu. Mais le soleil, on l'envoie sur la Belgique. Oui, on a un petit 25 degrés. Je pense que ça va être sympa toute la semaine. Juste ce qu'il faut pour aller vers Pertuis, c'est la première étape. Oui, la première étape que l'on... Ben voilà, c'est parti. On va passer donc à Mérindol, Loris, dans le sud du Luberon, Cadenet, et puis pour arriver à notre premier hôtel à Pertuis. Oui, avec un restaurant, l'Olivier, je vois, les oliviers, des melons. Philippe, vous êtes de Cavaillon, vous ? Oui, tout à fait, oui. Donc, je suis originaire de Besançon, mais je suis arrivé ici, j'avais 5 ans. Donc, ça fait presque 50 ans que j'habite Cavaillon. Donc, je commence à connaître. Oui, donc, j'ai cavaillonné. J'ai l'impression de parler avec Daniel Auteuil en vous entendant, là. C'est sympa. On a le soleil, les cigales, les melons. On vient de faire le plein de fruits avant de partir. C'est le moment, c'est aussi la période des vendanges. On va longer des vignes. Oui, tout à fait. Oui, on va avoir différents paysages. On aura effectivement plein de cultures agricoles, de toutes variétés. Il y aura des champs de pommiers, il y aura des vignes effectivement, il y aura des oliviers, hein, parce que c'est quand même le pays de l'olive aussi. Des champs de lavande, mais la lavande sera coupée, puisqu'elle se ramasse début août. Et puis on va avoir beaucoup de paysages aussi montagneux, avec pas mal de pins, de forêts, avec des chênes verts, avec de la lavande, avec du thym, du romarin, voilà, avec des bonnes senteurs de Provence. Ah, voilà. ça sent bon. Et puis nos beaux héros sont gonflés à bloc. Alors vous savez Thomas, sur chacune des expéditions, ils inventent un cri de guerre. Ici, oui. Qu'est-ce que ça donne dans le Luberon ? À fond ! À fond ! Le Luberon ! Ah d'accord. À fond le Luberon, un voyage que nous réalisons avec les voyages sncf.com pour alléger notre empreinte écologique, rien qu'au du train et de la bicyclette. Au programme aujourd'hui, 61 km avant le coucher du soleil. Il faut se mettre en selle tout de suite, là maintenant on y va. Bon ben voilà, c'est parti Thomas pour cette première échappée belge. Première édition de l'échappée belge avec Adrien Jovenot. On fera un point tous les après-midi après l'actualité de 14h. Vous pouvez en savoir plus sur la page internet et sur le Facebook du Beau Vélo de Ravel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Temps passe, on s'afflige des supplices, puis on se lasse, prisonnier de mon spleen. La peine

10 minutes de Wavre. Mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'on passe par la Flandre pour revenir en Wallonie. Et le mieux, c'est qu'on met le GPS quand on en a un. Et oui, mais le GPS, c'est une adresse en Flandre. L'adresse GPS, c'est Abstraat 153 à Overijse, qui vous arrive et vous amène en Flandre. Et là, il y aura une indication qui vous ramène en Wallonie. Vous allez sur le site d'Être Plus, le salon, ce sera beaucoup plus simple. On va avoir Françoise d'ici quelques secondes au téléphone. D'abord avec vous, Jean, on poursuit notre conversation. On a abordé l'aspect physique tout à l'heure. Place maintenant à l'un des autres grands aspects de l'homme, c'est l'aspect psychologique, être plus dans sa tête. Ce que vous vous dites, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un corps sain, il faut également être bien dans sa tête. Et oui, et donc là, évidemment, au salon, il y aura énormément d'exposants qui vont nous parler de comment être mieux dans sa tête, comment être mieux donc par rapport à différentes choses. Donc il y aura un accompagnement par rapport aux dépendances affectives, donc que ce soit le tabac, que ce soit des médicaments, etc. Donc voilà, une personne qui va permettre de travailler là-dessus. Il y aura évidemment des coachs. Oui, des exposants, c'est ça, qui vont proposer d'éveiller les enfants et les ados en général ? Entre autres, oui, il y aura aussi des exposants pour les ados, pour la communication. Il y aura des jeux de cartes aussi qui vont permettre de libérer ses émotions, de travailler sur ses émotions. Les différents coachs, il y aura une coach de diabétique. Oui. Qui est elle-même diabétique et donc ils vont pouvoir accompagner des diabétiques. Il y a des coachs de vie, il y a différents types de coachs qui seront proposés. Et puis il y a différentes méthodes aussi auxquelles on pourra se raccrocher. On va en parler de quelques-unes. La communication non violente tout d'abord. Communication non violente, donc qui a été lancée par Marshall Rosenberg, qui fait appel aux besoins. Donc en fait, quand vous êtes en situation de conflit, la question est de savoir mais quels sont mes besoins, de quoi est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que je fais face à cette agression qui m'arrive. Et donc ça permet de prendre du recul par rapport à un conflit. Et donc Marshall Rosenberg a même été travaillé dans des zones de guerre avec cette communication. Psychanalyse corporelle également. Psychanalyse corporelle, évidemment, c'est tout le travail sur le corps, toute l'analyse du corps, donc un peu ce que Marie-Andrée parlait. Donc, quand on a eu des tensions, quand on a eu des difficultés de vie, elles s'impriment dans le corps. Et donc, c'est pouvoir aller rechercher toutes ces tensions au niveau du corps à travers la psychanalyse. La communication avec les animaux, plus étonnant ça. Mais ça existe. Oui. Mais oui, ça existe. Il y a des personnes qui sont spécialisées à essayer de sentir quel est finalement que nous disent nos animaux. Hein? Les animaux, que ce soit les chats, les chiens, les ânes, les chevaux, ont effectivement un langage qui leur est propre et qu'il est possible de pouvoir appréhender. Et donc je connais comme ça des gens, une amie qui avait deux chiens qui ne s'entendaient pas, qui a fait appel à une personne pour faire la communication des animaux. Et effectivement, elle a pu se rendre compte qu'il y avait réellement un conflit entre ces deux chiens. Et ils ont trouvé une solution ensemble. Vous voyez, donc c'est possible. Différentes méthodes qui sont donc proposées sur ce salon Être Plus. Françoise rejoint la conversation. Bonjour Françoise. Bonjour Thomas. On en revient à cette question de maturité dont on parlait tout à l'heure. Une maturité qui a un lien avec l'histoire de vos enfants, c'est bien cela ? Oui, en fait, j'en ai parlé de communication non violente à l'instant. Moi, j'ai trouvé une grande aide qui m'a fait vraiment gagner en maturité, si je puis dire modestement, à une époque de ma vie, avec un petit bouquin. En fait, je venais d'être divorcée, mes enfants étaient au début de leur adolescence en pleine crise. Et donc ce n'était vraiment pas facile, c'était un moment charnière, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui devait se jouer parce que donc, je me sentais fort seule avec leurs problèmes, leurs attentes, leurs reproches et tout ça, je ne comprenais pas. Ils me parlaient, ils essayaient de me parler mais ils me disaient tout le temps que je ne savais pas les écouter. Mm-hmm. Hein, donc c'était très pénible à vivre pour eux comme pour moi. Parce que vous aviez l'impression de les écouter ? Ah oui, moi j'étais de bonne volonté, de très bonne volonté. Je pensais les écouter, mais eux, ils m'ont envoyé plein de fois que j'avais c'était l'impression pas de ne pas être entendu. Donc ça m'a vraiment mise devant la nécessité de me poser des questions. Hein. Et puis à ce moment-là, j'en ai parlé avec mon médecin homéopathe qui m'a conseillé de lire un bouquin sur les quatre accords Toltec. Oui. Et ça m'a vraiment énormément aidé. Et ça parle de quoi ce bouquin ? Mais c'est un bouquin qui parle de déprogrammer, si vous voulez, les habitudes de fonctionnement verbal qu'on a, donc les règles de conduite qu'on a intégrées depuis qu'on est petit, etc. Et de faire le tri, de remettre à la place des bonnes règles qui vous conviennent à vous personnellement. Mm-hmm. Par exemple, pour être dans le concret, il y a le second accord qui dit qu'il ne faut pas tout prendre pour soi dans les paroles des autres. Éviter d'en faire une affaire personnelle. Donc ça porte à réfléchir. Et donc, parce que les mauvaises paroles qui sortent de la bouche des autres sont simplement le reflet du mauvais état d'âme dans lequel ils sont comme prisonniers et qu'ils ne parviennent pas à équilibrer par eux-mêmes. Oui. Donc c'est un livre qui vous a quand même un peu recentré, qui vous a aidé à établir une communication un peu plus apaisée avec vos enfants ? Effectivement, parce que d'abord, ne pas prendre tout pour soi, ça m'a permis de dédramatiser, d'être plus sereine moi. Parce que cette tension perpétuelle commençait à miner ma santé. Hein. Mmh. Et puis, ils se sont sentis plus respectés, si je puis dire. Enfin, je ne sais pas. J'ai dédramatisé, j'étais plus sereine, donc c'était très important. Et puis, ça a vraiment été le point de départ d'un meilleur dialogue entre les enfants et moi, et même entre eux aussi. Ça a un rapport avec la communication non violente, hein, mais c'est exprimé par quatre règles, si l'on peut dire comme ça, de façon de communiquer, de soigner sa parole et son écoute. Et ça m'a vraiment énormément aidé. Et ça a permis de débloquer la situation et de créer un nouveau lien avec vos enfants. Voilà, évidemment, cet apport-là me sert aussi en tant que femme dans la vie de tous les jours, avec toutes mes relations, aussi en tant que professeur. Et avec mes enfants, ça m'a beaucoup appris. Oui. Et ça n'est pas fini, évidemment. Merci à vous, Françoise, pour votre intervention. Marie-André, un mot sur le témoignage de Françoise que l'on vient d'entendre. La technique qui est la sienne, ça a été la lecture des quatre accords Toltec, le livre dont on parlait. Et je rajoute une question, est-ce que les techniques permettent toutes d'être mieux dans sa tête ? Alors, il y a plusieurs choses que vous me demandez. Là, Thomas, je vais peut-être d'abord réagir sur le témoignage de Françoise qui dit au départ que ses enfants lui reprochaient de ne pas être entendus. Mm-hmm. Ils avaient l'impression de ne pas être entendus, alors que Françoise avait l'impression, elle, de les écouter. Donc, il y a dans la réception de Françoise du message de ses enfants quelque chose qui bloque, quelque chose qui l'empêche de recevoir effectivement ce que les enfants envoient. Et peut-être est-il utile de se référer pour cela à une notion qui est celle de l'enfant blessé. L'enfant blessé, c'est une partie que chacun de nous a en soi, c'est une partie qui est fragile, c'est une partie qui est réactive, c'est à peu près tous, nous sommes plus ou moins habités par des souffrances d'enfants blessés, c'est-à-dire que même dans des peaux d'adultes, même dans des peaux de personnes âgées, il y a un petit enfant qui demande, s'il n'a pas été conscientisé, qui demande à être entendu, à être aimé, à être valorisé, parce que c'est une partie qui souffre de n'avoir pas été, de n'avoir pas existé aux yeux de ses parents. Et alors évidemment, le problème, c'est que cette blessure d'enfance, les besoins premiers d'amour, de reconnaissance, de valorisation n'ont pas été rencontrés, et cette blessure se rejoue dans les relations avec les proches, que ce soit avec les enfants et que ce soit évidemment en couple. Dès qu'on est en relation de proximité, l'enfant blessé en chacun s'exprime. Que font des millions de couples finalement, sinon de faire avec cette donnée-là ? Donc ça, c'est la technique de l'enfant blessé. C'est prendre conscience que il y a... La première chose à faire, c'est de prendre conscience que il y a un enfant blessé, il faut tout simplement l'accepter, accepter la présence de cet enfant blessé, en avoir conscience et l'aimer. l'aimer, dire ben oui, en moi, il y a une partie fragile, il y a une partie réactive. J'en prends conscience, je prends conscience qu'elle filtre mes propos et mon écoute et mon, mon dire. Et je l'aime, je l'acte. Oui, c'est la technique de l'enfant blessé, on peut dire. Alors, pour mon autre question, c'était de savoir, est-ce que les techniques, en général, permettent toutes d'être mieux dans sa tête, Marie-André ? Rapidement, c'est possible. Alors, rapidement, c'est difficile, mais je vais quand même essayer. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. Mais oui, d'accord. Alors, eh bien, je pense que les techniques, oui, c'est, oui, les techniques, bon, chacun doit trouver sa technique d'abord, évidemment, puisque donc, les techniques ne permettent pas toutes d'aller mieux dans sa tête, étant donné qu'il faut trouver la bonne technique, être à la recherche de ce qui est, ce qui s'accorde à sa propre singularité, et ne pas être prosélyte. C'est-à-dire dire à l'autre, hein, eh bien voilà, on fait cette technique-là, voilà. Non, c'est se ramener, c'est toujours être face à soi et face à son chemin à soi et à sa voix à ça. Il n'y a pas de technique en général. Je pense qu'il faut trouver la sienne. Voilà, 070 23 33 23, si vous souhaitez nous apporter votre technique à vous, si vous souhaitez nous dire quel chemin vous empruntez pour aller ou tendre vers la maturité, et enfin, ce que vous recherchez dans ce type de salon à l'image du salon Être Plus qui nous occupe jusque 15h. 070 23 33 23, le SMS 3063. La semaine de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre avec pour thème « Partager la route, on s'y met tous ». Cette année, la Wallonie met le focus sur la combinaison de différents moyens de déplacement. À cette occasion, des familles mais aussi des communes, des écoles et des entreprises se lancent dans des défis mobilité. Pour suivre leurs expériences et découvrir l'actualité de la semaine de la mobilité, rendez-vous sur Vivacité. Partager la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Nous avons le plaisir de vous inviter au bal de la commune d'Etterbeek le samedi 8 octobre à 19h30 au Centre des Sports. Vous pourrez y redécouvrir les plus grands succès de l'univers rock soul pop repris par Mister Cover. Infos et réservations, bal.etterbeek@gmail.com ou 0478 59 45 63. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Tâchez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got Merci de passer ce début d'après-midi avec La Vie du Bon Côté au son d'Alicia Keys sur Viva. La Vie du Bon Côté jusqu'à 15h autour du salon Être Plus. Jusqu'à 15h sur Vivacité, La Vie du Bon Côté avec Thomas Leridez. Le salon Être Plus au cœur donc de nos discussions autour de l'Agenda Plus, le magazine entre autres, avec Jean Hannet, son directeur de publication, et Marie-André Delamande, rédactrice du magazine et auteur. On a abordé les deux grands aspects de l'homme, le physique et le psychologique. Il nous reste le troisième aspect, c'est l'aspect un peu plus spirituel. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là, et dissocions-nous dès le départ dans notre discussion du côté religieux, hein ? Oui, bien sûr. Alors, la difficulté, je dirais, du français par rapport au mot spirituel, c'est que le mot spirituel a plusieurs significations. Si je vous dis vous êtes quelqu'un de très spirituel, on pourrait dire que vous êtes intelligent, vous avez beaucoup d'humour. C'est pas pour ça que vous avez de la spiritualité. Donc, enfin si, on peut encore dire quelqu'un qui a de la spiritualité. Donc vous voyez, il y a différentes compréhensions du mot spirituel. Et souvent, on fait la distinction entre le développement personnel et le spirituel. Mmh. Le développement personnel, ce sont toutes les techniques, comme on vient de le voir, qui permettent un développement de la personne. Mmh. Donc, que ce soit au niveau physique, psychologique, dans sa tête, etc. Quand on aborde le spirituel, on arrive à une autre dimension, à quelque chose qui est de l'altruisme, d'aller vers l'autre, d'aller vers le service, de l'amour, voyez, de la transcendance aussi. Hein et donc, la spiritualité évoque fatalement une relation à quelque chose d'autre, et nous amène à quelque chose d'autre. Donc ici, il n'est pas du tout question de religion. Il est simplement une question de prendre, d'avoir une relation et à une autre dimension. Donc on entre dans une verticalité. Ici, on n'est plus dans l'horizontalité, la relation personnelle, interpersonnelle entre les êtres humains. On entre dans une verticalité. Donc vous le disiez, c'est un état personnel qui nous relie à une dimension supérieure et qui nous fait prendre conscience qu'on est tous égaux finalement. Qu'on est tous égaux, et qu'on est tous égaux aussi face à une autre réalité. L'autre réalité qui nous dépasse, alors là, qu'on l'appelle Dieu, le grand esprit, voilà, n'importe quoi. Nous, on n'a pas d'école, on ne défend aucune école, si vous voulez. Hein? On prend simplement acte qu'il y a une autre dimension dans la vie, une autre dimension que la dimension humaine, et que quand on est en contact avec cette autre dimension, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait que nous sommes plus que nous-mêmes. Et c'est ça, cette dimension de spiritualité qui va vers autre chose, vers, comme je disais, une verticalité. Cette dimension de spiritualité, Marie-André, ça vous fait réagir, je vois ? Ça me fait réagir, c'est-à-dire que... j'ajouterais peut-être que, oui, il y a la dimension transcendante. Hein, la spiritualité, on peut effectivement la définir comme ce qui est plus grand que nous, ce qui nous dépasse, hein. Mais aussi, il y a une dimension, me semble-t-il, importante d'intériorité, d'être en connexion avec la plus grande intériorité, la profondeur de soi, le silence, là où les paroles n'ont plus lieu, là où il y a le mystère de l'être, de la vie, en sa source. Qu'est-ce qui fait qu'on est en vie ? Qu'est-ce qui fait que tout est relié ? Tout. Les planètes, les plantes, les végétaux, les êtres humains, c'est la vie. La pleine conscience, ça fait partie de cette spiritualité-là ? Alors, la pleine conscience, c'est une technique de méditation qui n'est pas reliée au religieux. Et en ce sens, le mindfulness, donc être en pleine conscience, c'est très intéressant puisque c'est ouvert à tous. Et quel est le but, finalement ? Ben, il est très beau, mais on n'est pas obligé de faire de la pleine conscience, de la méditation pleine conscience pour arriver à ce but. C'est être présent, d'instant en instant, à soi-même, aux autres, à la vie. Et c'est ça qui est peut-être la meilleure définition de être en spiritualité. C'est une façon de vivre où la personne, me semble-t-il, se relie ou tente de se relier à une dimension intérieure qui est sacrée, qui est, la définition du sacré, c'est ce qui est inviolable, c'est ce qui est, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas y toucher, c'est quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de l'ordre du mystère. Alors dans ce salon Être Plus, Jean, il y a plusieurs associations qui seront représentées sur place, on parle un peu de ce qui nous attend. Oui, alors ce qui est le plus évident dans ce type de thématique au niveau de la spiritualité, c'est évidemment les méditations, toutes les techniques de méditation qui nous permettent de nous recentrer, comme disait Marie-André. Il y a aussi, alors, des associations qui font référence à des personnes, à des livres, qui sont des enseignements. Alors là, évidemment, chacun fait son chemin par rapport à ça, donc on n'a pas de jugement par rapport à telle chose qui est bonne ou pas bonne. Il y a par exemple une association qui est le cercle des amis de Bruno Gröning, qui est un médecin allemand qui a, au cours de sa vie, je dirais quasi fait des miracles. Tellement il arrivait à, par son charisme, à vraiment ramener les gens à se mettre debout. Et donc, voilà, il y a ce type d'association où on va remémorer, on va repenser à tout ce qu'a fait ce personnage. Il y a des livres comme les éditions du Grêle, comme le livre du Rancia, qui sont également des enseignements de spiritualité. Vous voyez, donc voilà, il y a différentes propositions. Alors pendant tout le salon, il y aura aussi des conférences, j'en parle avec le côté spirituel, deux conférences notamment exceptionnelles, celle du docteur Thierry Janssen tout d'abord. Vous allez nous le présenter, avec lui on va parler de présence à soi, de présence au soi et de présence du soi. Mérite quelques explications. Ça mérite quelques explications et en même temps... Je laisse évidemment les gens venir découvrir cette conférence. Donc effectivement, c'est une conférence importante du docteur Thierry Janssen, qui est médecin, thérapeute, et qui maintenant s'intéresse énormément à la spiritualité. Il va justement essayer de redécouvrir qu'est-ce que c'est le soi, qu'est-ce que c'est cette présence au soi. C'est quelqu'un qui a fait tout un travail, tout un cheminement intérieur, qui a beaucoup été en solitude dans le désert pour revenir à l'essentiel, revenir à soi. Et alors il y a le soi avec S minuscule, et il y a le soi avec le S majuscule. Donc ça, c'est la conférence de Thierry Janssen. Et puis, celle du psychologue Ilios Kotsou autour de cette question. Qu'attendons-nous pour être heureux? Sympa comme question. Sympa. Et est-ce que ça mérite une explication? Je ne sais pas. Qu'attendons-nous pour être heureux? Bon, Ilios Kotsou est une personne qui a beaucoup, beaucoup développé tout ce qui est autour du bonheur, tout ce qui fait que nous sommes heureux, pourquoi nous ne sommes pas heureux et pourquoi nous sommes heureux. Et donc, qu'attendons-nous pour être heureux? Donc, évidemment, il va développer tout ça au salon. On continue notre discussion autour du salon Être Plus d'ici quelques minutes. Si vous souhaitez intervenir, téléphone, mail ou Facebook, c'est vous qui voyez. On en discute jusque 15h. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'NJ Electrabel. En ce moment chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi? Il y a un château aussi? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/Kortenberg. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandeaux, Doyenné du Comice, Conférences et Conférences Bio. Et leur prix? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold comes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you, a miracle that was made for two. Après-midi avec Vivacité et Julien Peretta dans les oreilles. 070 23 33 23, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. On aura Olivier au bout du fil qui lui reviendra sur cette question de maturité, mais maturité dans notre société de consommation. Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés ? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes ? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire ? Parce que moi, ce mois-ci, avec la rentrée, je peux pas. Non, les fournitures, le cartable. C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit ? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. La ville, le stress, le bruit, stop! Au cœur du Brabant wallon, laissez-vous séduire par la quiétude des jardins de l'Orne. Dans un écrin de verdure, appartements et maisons de standing s'offrent à vous. Profitez d'une qualité de vie exceptionnelle à 5 minutes de Louvain-la-Neuve et 12 minutes de Nivelles. Gdo.be. Les jardins de l'Orne, votre avenir, grandeur nature. Envie de découvrir votre future résidence, rendez-vous à l'Esplanade du 19 au 24 septembre et sur Gdo.be. Depuis 15 ans, aux établissements Gilson Père et Fils, nous apportons un soin tout particulier à l'aménagement de votre jardin. Envie d'une terrasse, d'un pavage, d'une piscine, d'un jacuzzi réalisé avec des matériaux de qualité, pensez Gilson Père et Fils. Installateur officiel des pergolas Renson. C'est 24 et 25 septembre, portes ouvertes aux établissements Gilson Père et Fils, rue de l'Orne 61 à Mont-Saint-Guibert. Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Volubilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Volubilis.be. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Autour du salon Être Plus avec nos invités Jean Hanet, son directeur de publication, le directeur de publication de l'Agenda Plus, et Marie-Andrée Delamande, rédactrice du magazine et auteur. Alors tout ce qu'on se dit depuis le début de cette émission, c'est d'essayer de progresser vers plus d'humanité, de développer ses potentialités. Bref, comment grandir en sagesse, mais dans le même temps, comment avoir ou comment gérer sa maturité dans la société de consommation qui nous occupe aujourd'hui. C'est ce que vous allez nous dire, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Soyez le bienvenu, vous avez 30 ans, vous avez 3 petites filles et votre réflexion, elle porte sur la maturité dans la société de consommation. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à ce sujet-là, Olivier ? Donc dans un peu la ligne qui nous occupe, la société de consommation, c'est une société qui, dans laquelle nous sommes baignés, surtout dans le monde occidental. C'est une société où on a beaucoup de difficultés à avoir de la maturité comprise par moi comme la possibilité de prendre notre vie en main. Mmh. Et On consomme, hein, mais on a beaucoup de difficultés à produire, à être dans un processus de production par rapport à ce qui est consommé. Je prends un exemple, c'est celui de l'énergie. On consomme de l'énergie, tous, on en consomme d'ailleurs beaucoup, énormément, hein, mais on n'a pas la main sur le processus de production, sur la manière dont cette énergie nous est fournie finalement. Une première étape de maturité peut nous conduire par exemple à nous constituer en société, par exemple en société coopérative qui sont productrices d'électricité renouvelable. C'est ce que je fais, mais ça a très peu d'influence sur les choix collectifs qui sont faits. Et je pense que nous sommes vraiment à une croisée de chemin là au niveau de l'humanité en général. C'est que nous fonctionnons sur un système qui est celui de la compétitivité et c'est celui qui aura le plus d'énergie, qui sera le gagnant. Et ce que vous dites, en gros, aujourd'hui, c'est qu'il faut fonctionner différemment et se positionner différemment. Complètement différemment. Il faut un changement de paradigme radical, c'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience. Et là, je reviens un petit peu au domaine de la spiritualité, parce qu'il y a quelque chose de je dirais comme a dit Marie-Andrée Delamant, de l'ordre du mystère qui consiste en fait à ce que nous prenions conscience que notre humanité maintenant est face à un problème qui est le problème climatique, qui est un problème extrêmement sérieux et qu'elle est complètement dans sa globalité confrontée à ce problème, qui est un problème lié directement à celui de l'énergie justement. Et là, ça peut être une opportunité pour l'humanité de se dire nous sommes une humanité une et indivisible, et chaque action que je peux avoir, moi, a de l'influence à l'autre bout du monde. Et c'est l'effet papillon, en quelque sorte. Ben, c'est plus que l'effet papillon, parce qu'il y a des gens qui ont plus d'influence que d'autres dans ce processus, évidemment. Hein. Il y a des gens qui prennent des décisions pour nous, c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Mais la maturité, ici, consiste dans une prise de conscience que nous sommes vraiment interconnectés les uns avec les autres, et ça se voit au niveau des problèmes auxquels nous avons maintenant à faire face ensemble. Merci beaucoup Olivier, intéressant point de vue que vous avez bien voulu partager avec nous. Bel après-midi à vous. Marie-Andrée, comment faire preuve de plus de maturité pour contribuer à cette société dont on parlait avec Olivier ? Mais j'aime bien cette idée que nous sommes finalement, c'est paradoxal, mais acculés à changer. Et c'est vrai que pour le moment, on est en train de vivre une crise, une faillite même presque civilisationnelle, avec la barbarie, les inégalités criantes, la pollution, le monde est dévasté de violence. Voilà, c'est vrai. Et Prigogine dit que nous sommes à un moment de grande bifurcation. Il est possible que cette grande bifurcation prenne de nombreuses années et que le chaos, finalement, c'est ce que je pense, se développe encore, mais si nous sommes à l'aube de cette grande bifurcation, nous avons peut-être une responsabilité, c'est de l'accompagner dans son aspect régénérateur. L'une des façons prioritaires pour y contribuer, c'est, comme disait Olivier, la conscience de former une famille terrienne. Nous sommes une famille, finalement. Donc on est interdépendants les uns les autres, oui. C'est ça que vous voulez dire. On est tous interconnectés, et c'est cette métamorphose qui est à l'œuvre, qui dit métamorphose, dit convulsion. Nous sommes dans ces convulsions-là, mais on peut contribuer à ce changement, qui est avant tout un changement de regard sur soi et les autres, sur soi avec les autres. Jean ? Oui, alors moi, ce que j'entends surtout dans le témoignage d'Olivier, c'est reprendre la maîtrise de soi, reprendre, ici dans ce cas-ci, la maîtrise de son énergie, redevenir son propre expert. Et donc, que ce soit dans la thématique du salon, par rapport au corps, par rapport au psychologique, au spirituel, et ici, par rapport à l'environnement, c'est se dire que nous sommes notre propre expert, c'est nous qui pouvons voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. que ce soit par rapport à notre santé, que ce soit par rapport à l'environnement, il faut reprendre les choses en main. Et c'est peut-être ça aussi, hein, la maturité. C'est en lien avec le livre de Marie-Andrée Delamande, le livre qui, je le rappelle, s'appelle « Chemin d'intériorité ». En gros, ce sont des approches complémentaires, Marie-Andrée, qui permettent à chacun de se faire une idée personnelle et de chercher sa propre voie, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est très simple. En fait, c'est une série de chapitres qui envisagent des expériences que l'on fait tous, hein, qui sont des expériences que l'on fait dans la vie, de l'ordre, de la solitude, de l'amour, de la liberté, de l'exercice de l'intuition, du discernement, du lâcher-prise, de l'humour. En fait, tout ce à quoi on est confronté chacun. Et finalement, ce livre est une façon de faire une petite pause dans le quotidien pour réfléchir à ces choses. Voilà. Alors, vous y parlez donc, vous l'avez dit, d'intuition, de création, d'humour. Vous y parlez aussi d'exploration des rêves, de discernement et de séparation des choses. Ça, pour vous aussi, c'est important, c'est ça ? Si vous parlez de séparation, je pense qu'on y faisait allusion au début de l'émission avec le témoignage de Fabienne. Oui, que la séparation, c'est une composante inévitable de tout mûrissement et de toute existence. Finalement, s'il n'y avait pas de séparation, mais dans le sens positif du terme, nous resterions dans un état identique et on est tout le temps appelé à changer. Alors c'est difficile. je préférerais poser mes mains sur la table et dire « tiens, ça ne change pas », mais non. Tout change sans cesse, et tout changement suppose de quitter l'état qui précédait et en même temps d'en tenir compte pour avancer finalement. Voilà, donc voilà, ça suppose de faire le deuil de certaines réalités matérielles, de certaines réalités psychologiques auxquelles on était habitué, pour avancer vers l'étape suivante, encore inconnue. Voilà, ça va un petit peu traiter de, par exemple, la séparation, c'est un thème qui est traité par ce livre. Il y en a d'autres, comme l'humour, pour parler de choses peut-être un petit peu très plus gaies. Oh ben, l'humour, mais qu'est-ce que... Très rapidement, oui. Tout se résout dans l'humour par un changement de regard sur la réalité. Et l'humour ouvre à ce changement l'acte, l'exprime. C'est un maître, ça déboulonne tous les savoirs, c'est impertinent, ça se fiche des règles. Et finalement, c'est un aiguillon de déconditionnement. Et en cela, il est le chevalier servant de quelque chose qui est vraiment constitutif, complètement identitaire de l'être humain, à savoir le besoin de liberté. Chemin d'intériorité, Marie-Andrée Delamande aux éditions A+, pour en savoir plus. On s'approche de la fin de cette émission. On va rappeler les dates du salon, c'est à Wavre au mois d'octobre. Je voulais qu'on dise un mot aussi sur cet annuaire plus, avec plus de 2500 références pour notre bien-être, Jean. Voilà, donc nous avons tous les mois un mensuel, par définition, l'agenda plus, et tous les ans, nous, en février, nous réalisons un annuaire plus qui reprend les coordonnées des différents thérapeutes qui sont repris dans 8 grands secteurs. Le premier qui est cycle de vie, c'est-à-dire la naissance, l'enfance, le couple, l'adolescence, les soins palliatifs. Le deuxième grand chapitre, c'est les médecines naturelles. Le troisième, c'est développement personnel et psychothérapie. Ensuite, alimentation, habitat, environnement et citoyenneté responsable. Il y en a pour tout le monde, du coup. Il y en a pour tout le monde. Il y a 250 thèmes qui sont répertoriés et, comme vous l'avez dit, il y a à peu près 2500 à 3000 coordonnées de thérapeutes qui sont répartis dans ces différentes rubriques. Chacun votre conclusion, chacun votre mot de la fin, assez court si c'est possible, pour résumer à celles et ceux qui auraient pris l'émission en cours, ce que l'on s'est dit depuis 13h. On commence avec vous, Marie-Andrée. Eh bien, je vais souhaiter à tout le monde une très jolie soirée et de beaux jours. Ça, c'est votre résumé de l'émission qu'on fait ensemble depuis 13h. Oui, absolument, être présent à ce qui est. Oui, voilà, donc c'est soyons bien là, au moment présent. Je vous fais un grand sourire, je vois que vous me faites un grand sourire. J'en suis très heureux, c'est ça mon résumé, oui, absolument. Très bien, Jean, le vôtre ? Mais moi, donc, effectivement, c'est être plus, donc être mieux avec soi, être mieux dans son corps, etc. Et je pense que, là, on l'a signalé aussi, d'inviter les auditeurs à faire leur propre expérience, à aller faire des stages, à aller faire écouter des conférences pour vraiment expérimenter des choses. Donc, c'est pas seulement dans la tête, c'est vraiment expérimenter. Le salon Être Plus se déroulera les 8 et 9 octobre. Ce sera à Wavre. C'est où à Wavre exactement ? Ferme de Billande. Ferme de Billande. L'adresse GPS Abstrat 153 3090 Overays. Et il y a tous les détails sur le site Être Plus. Êtreplus.be. Voilà pour ce salon qui nous a occupés depuis 13 heures. Merci à tous les deux d'être venus dans notre émission. Et puis merci d'ici à quelques minutes, on passera le relais à aller-retour dans votre région. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle le dessine après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours. È una musa che ci invita. Il vivra toujours. Io vivo. Je serai perdu sans vivo elle. Vivo per lei dentro gli hotel. Je suis triste et je l'appelle. Vivo per lei nel vortice. Attraverso la mia voce si espande. L'amore produce. On va se dire au revoir avec Andrea Bocelli et Len Segarra dans les oreilles. Vivo per lei à l'instant sur Vive. Un petit mot sur le sujet de demain qui vous attend avec Sylvie Honoré aux commandes. Entre bonheur et défi, accueillir un enfant est l'une des plus grandes joies pour une femme. Avant, pendant et après le congé maternité, ce petit cahier que l'on vous présentera demain et qui s'intitule Petit cahier d'exercice des mamans épanouies est le coach idéal pendant ces phases de vie unique pour faire de vous une maman épanouie. Il en sera question demain entre 13h et 15h dans la vie du bon côté. Vous avez déjà tous les détails sur le site vivacité.be. Passez une excellente après-midi à suivre la météo pour tout savoir des prochains jours, les infos de 15h et aller-retour dans votre région. Passez une très belle journée. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, l'Engie Electrabel. Bon après-midi à tous. Les nuages continuent à gagner du terrain d'ouest en est. Ils s'épaississent mais ne laisseront filtrer aucune averse. Le temps restera sec avec des éclaircies qui seront les plus larges sur l'est et le sud. 17 à 22 degrés pour les maxima. Le ciel couvert la nuit prochaine empêchera les températures de descendre comme elles l'ont fait la nuit dernière. On s'attend demain à ce que le ciel soit quand même nettement plus nuageux. Les restes d'une zone de pluie qui pourrait encore laisser s'échapper quelques gouttes, mais ce sera assez anecdotique. Les températures seront les mêmes qu'aujourd'hui. Samedi, on va même gagner 1 ou 2 degrés avec de belles éclaircies. Dimanche, on garde de la douceur, mais le risque d'averse augmentera à partir de l'ouest. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi ? Un appartement 2 chambres entièrement équipé à partir de 185 000 euros hors TVA et frais à City Docks. City quoi ? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, pavillon de vente ouvert à partir du 22 septembre. Du studio aux 3 chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. Citydocks.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi.